pas le temps à peine. J'aimerais faire partie des gens qui sont heureux. Retrouver un taf, je le sais. Trouver un taf pour moi, c'est une turbine. Je n'ai pas le temps à peine. Le temps est compté, va falloir le déjouer. Retrouver un taf, je le sais. Bien sûr, je ferais autrement si je pouvais. Je n'ai pas le choix, je n'ai pas vraiment le choix. J'aimerais faire partie des gens qui sont à la mode. Je n'ai pas cette chance, mais je vais faire autrement.